La choupe, la choupe, la choupe. Pas mignon, yes, qui, hein. Pas mignon, yes, qui, hein. Esquire, tu n'as chaud. Elle veut sucer vu que c'est moi qui ai la grinta. Si ça marche pas dans le dos j'aurai le couteau. Si ça pêche te dirais fallait écouter. J'suis dans ma bulle quand j'enfile mes écouteurs. Dans la ville au charbon comme un éboueur. J'rentre chez ma mère quand les bosseurs se réveillent. Demande pas c'est qui le gros qui ravitaille. Tu dois des sous, on sort le jouet. Mes refs vont bien mais j'cache ma joie. J'vais tout manger mais sans changer. Tu donnes la force mais chez tu charges. Et si c'est la haisse mon ref t'inquiète j'te fais la passe. On fait les sous mais t'as rien qu'on bosse. Bonbonne dans le fut tombé skill les keufs. J'ai vu des chouchous avec la poisse. Quieres chupar la chupa chou? Au cartel des Niño 9-4-1-2-3-4-5. J'suis dans un 4-4 nord dans les rues, tu parles pas de moi, tout le monde porte l'œil. Y'a tous mes grands qui sont derrière moi, passe dans le hall, ça sent le fond noir. Depuis que j'ai pris du buzz, j'reçois un tas de messages de ta famille. Elle est trop excitée, elle me dit pas chez moi, y'a personne Gambi. Moi c'est Mbappé, j'vais les passer, c'est moi qui mets tous les buts. J'suis dans le bâtiment 4 avec les mêmes potes. J'ai cramé ma puce, appelle-moi sur WhatsApp. Mets pas les chromos, crame comme une escalope. M'appelle pas mon frérot, j'suis pas ton proto. Sur la bouteille de Jack, j'te fais pas P2. Coup de matraque dans la tête et tes P4. J'vois rose, mais j'suis dans la merde comme du PQ. Serre la main, regarde dans les yeux, petit pédé. Et enlève tes gants, sinon on va te péter. Comme Inoyeski, comme Inoyeski. Quand y'a des dom-dom, ça sent fort partout, ça t'étonne. Sur le parvis, y'a les nuggets, faut détale. Tu détales aussi vite quand tu dois détale. Cavaler, t'as va sortir son gros pétard. La fuerza es ahora. Después está chupando. Chupando tanto y 9-4. J'suis dans un 4-4 nord dans les rues, tu parles pas de moi, tout le monde porte l'œil. Y'a tous mes grands qui sont derrière moi, passe dans le hall, ça sent le fond noir. Depuis que j'ai pris du buzz, j'reçois un tas de messages de ta famille. Elle est trop excitée, elle me dit pas chez moi, y'a personne Bambi. Nord dans les rues, tu parles pas de moi, tout le monde porte l'œil. Y'a tous mes grands qui sont derrière moi, passe dans le hall, ça sent le fond noir. Depuis que j'ai pris du buzz, j'reçois un tas de messages de ta fimbi. Elle est trop excitée, elle me dit pas chez moi, y'a personne Gambi. J'suis dans le bad 4, j'vais skiller, plus toujours avec mes potes. Dans le 4-4, ça va tic tac et aussi des kit kat. J'suis dans le bad 4, j'vais skiller, plus toujours avec mes potes. Dans le 4-4, ça va tic tac et aussi des kit kat.